Graminier aurait bien envie de voler le sifflement de cette corolle azurée. La cantatrice blanche. Du zéphyr et d'une faim à quatre pattes qui vient bientôt ruisseler dans mon dos. Et la chienne s'énerve. Évidemment. Gardienne des abysses qui ne trissent pas sur les gros cailloux zen des Procéphalia. Au tourbillon de joie. Suna. À toi. Ose toujours chanter malgré le raclus. Canin et citadin ou étant. Au loin. Un copain, canin, répond d'un ton incertain. Attention à la guêpe qui te guette dès que j'envoie un chef de sous ces cyprès qui osent s'adresser au céleste, des pignes pongent leur latence comme des ailes de papillon. Et la bimi-bimi, la grande faim sur quatre pattes, contourne et longe le rectangle des angles carnés par leur fourrure tigrée, par leur bientôt falement et acrobatie funambule de toupies, de poils et de cyprines. Yuna, je te prie de bien vouloir faire une pause pour...